Regarde la chose la plus belle, si pleine de grâce, son corps de jeune fille, et elle, la mimine, qui veille, quand elle se balance en chemin de la mer, petite fille au corps doré, soleil d'Ipanema. Ah, pour que je t'entende, ce signe.